fait un dieu de faire l'hypocrite. Arrêtez de laisser pousser les poils, ça fait trop plaisir à la science. Il faut se mobiliser, un dieu de faire l'hypocrite. Arrêtez de laisser pousser les poils.